Clitandre, s'étant nettement prononcé en faveur d'Henriette, Armande, à demi convaincue, compte sur l'aide de leur mère Philaminte pour empêcher que Clitandre épouse Henriette et s'en va, laissant seuls Henriette et Clitandre. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle mérite assez une telle franchise, et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais, puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme, qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante, une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante, un esprit qui, flattant les visions du leur, vous pue de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter le caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un benêt dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours, tout m'en semble ennuyeux, et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais, comme sur ma mère, il a grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour, ou s'attache son cœur. Il veut de tout le monde y gagner la faveur, et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison. Mais monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages, à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il m'a d'abord paru, et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je vis, dans le fatras des écrits qu'il nous donne, ce qu'étale en tout lieu sa pédante personne, la constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite, incessamment il rit, qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère.